Au bord de l'eau, quatrième partie. Un jour que le patron dormait devant la porte vers midi, le lavoir se trouva dépeuplé. Le sol brûlant fumait comme un bœuf essoufflé qui peine en plein soleil. Mais je trouvais moins forte cette chaleur du ciel que celle de mes sens. Aucun bruit ne venait que des lambeaux de chant et des rires d'ivrognes au loin sortant des bouges, puis la chute parfois de quelques gouttes d'eau tombant on ne sait d'où, sueur du vieux bateau. Or ses lèvres brillaient comme des charbons rouges d'où jaillirent soudain des crises de baisers ainsi que d'un brasier partent des étincelles jusqu'à l'affaissement de nos deux corps brisés. On n'entendait plus rien, hormis les sauterelles, ce peuple du soleil aux éternels cri-cri, crépitant comme un feu parmi les prés flétris. Et nous nous regardions, étonnés, immobiles, si pâles tous les deux que nous nous faisions peur. Lisant, aux traits creusés, noirs, sous nos yeux fébriles, que nous étions frappés de l'amour dont on meurt, et que par tous nos sens s'écoulait notre vie. Nous nous sommes quittés en nous disant tout bas qu'au bord de l'eau, le soir, nous ne viendrions pas. Mais à l'heure ordinaire, une invincible envie me prit d'aller tout seul à l'arbre accoutumé, rêver aux voluptés de ce corps tant aimé, promener mon esprit par toutes nos caresses, me coucher sur cette herbe et sur son souvenir. Quand j'approchais, grisée des anciennes ivresses, elle était là, debout, me regardant venir. Depuis lors, envahie par une fièvre étrange, nous hâtons sans répit cet amour qui nous mange. Bien que la mort nous gagne, un besoin plus puissant nous travaille et nous force à mêler notre sang. Nos ardeurs ne sont point prudentes ni peureuses. L'effroi ne trouble pas nos regards embrasés. Nous mourons l'un par l'autre, et nos poitrines creuses changent nos jours futurs comme autant de baisers. Nous ne parlons jamais. Auprès de cette femme, il n'est qu'un cri d'amour, celui du cerf qui brame. Ma peau garde sans fin le frisson de sa peau qui m'emplit d'un désir toujours âpre et nouveau. Et si ma bouche a soif, ce n'est que de sa bouche. Mon ardeur s'exaspère et ma force s'abat dans cet accouplement mortel comme un combat. Le gazon est brûlé, qui nous servait de couche, et désignant l'endroit du retour continu, la marque de nos corps est entrée au sol nu. Quelques matins, sous l'arbre où nous nous rencontrâmes, on nous ramassera tous deux au bord de l'eau. Nous serons rapportés au fond d'un lourd bateau, nous embrassant encore aux secousses des rames, puis on nous jettera dans quelques trous cachés, comme on fait aux gens morts en état de péché. Mais alors, s'il est vrai que les ombres reviennent, nous reviendrons le soir sous les hauts peupliers, et les gens du pays qui longtemps se souviennent, en nous voyant passer l'un à l'autre liés, diront en se signant, et l'esprit en prière, « Voilà le mort d'amour avec sa lavandière ».